L'esprit de l'homme, c'est la partie de l'homme qui est ici. On ne dit pas toute la vérité. C'est-à-dire qu'on laisse sous-entendre temporairement que la seule partie de l'homme qui est importante, c'est celle qui est ici. Un jour, on pourrait expliquer les autres parties de l'homme qui ne sont pas seulement ici, mais qui sont dans d'autres régions du corps matériel. Et on pourra en expliquer les fonctions. De son esprit, elle est manifestée dans cette région de son cerveau qu'on appelle la tête. C'est difficile aujourd'hui pour l'homme de s'imaginer qu'il est capable de fracasser une pierre avec son genou éthérique. Mais un jour, l'homme réalisera que son genou éthérique est une partie de son esprit qui a une fonction fondamentale sur ce plan-là, c'est de diviser les atomes. La partie de l'homme qui est dans la région du cerveau a la fonction de réunir les atomes. La partie de l'homme qui est dans la région du coude éthérique a la fonction de changer les atomes, les transmuter les atomes. La partie de l'homme qui est dans cette partie, dans ce coude-là, a une autre fonction. Alors, chaque partie de l'homme, sur le plan éthérique, a une fonction. Le rein dans les terres a une fonction. Le cœur dans les terres a une fonction. Toutes les parties de l'homme dans les terres ont une fonction. Et l'homme découvrira un jour que ce qu'on appelle l'esprit de l'homme, c'est un cerveau. Ce n'est pas un cerveau. L'homme, ce n'est pas une composition électronique comme on le connaît, on le conçoit dans la science. Mais un jour, on découvrira que l'homme, que l'esprit de l'homme est en fait une condition atomique tellement bien organisée qu'elle représente dans sa totalité moroncielle un être qui a et qui est capable d'agir d'une façon parfaitement mécanique. Un peu comme un robot peut fonctionner d'une façon parfaitement mécanique. L'éther de l'homme peut être tellement parfait que ça fonctionne d'une façon parfaitement mécanique. Lorsque l'homme découvrira le surhomme, l'homme découvrira que la partie éthérique de l'homme, c'est une partie qui est parfaitement capable de remplir toutes les tâches possibles et imaginables de construction dans un univers local. Un genou éthérique, c'est pas simplement un genou éthérique. Un coude éthérique, c'est pas simplement un coude éthérique. Ça a une fonction créative et fonctionnelle. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pour vous amener petit à petit à réaliser que les notions que vous avez, toutes les notions que vous avez, doivent éventuellement laisser place à un vide total pour que se remplisse votre cerveau, c'est-à-dire pour que se développe votre esprit, c'est-à-dire pour que se forme votre mental éthérique, votre cerveau éthérique. Et il y a une correspondance directe entre la formation de votre cerveau éthérique et l'activité, l'activation de votre esprit sur la terre. L'esprit de l'homme, ce n'est pas ce que l'homme pense. L'esprit de l'homme, c'est le résultat, le produit d'une construction de plus en plus parfaite qui doit, quelque part dans le temps, se localiser spatialement dans des conditions qui conviennent au corps humain. Et plus l'homme prendra conscience de l'homme, plus l'homme s'apercevra qu'il est effectivement une construction éthérique. Et cette construction éthérique se fait à partir du moment où, dans la matière, il se fait union entre son esprit et l'énergie universelle. Son esprit étant cette partie très faible, très faiblement organisée de ce qu'on appelle le cerveau éthérique de l'homme. Et plus le cerveau éthérique de l'homme se développe, plus son esprit est grand. Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est pour essayer de vous laisser entrevoir la réalité matérielle du cerveau éthérique de l'âme. Pour vous enlever la notion de l'esprit de l'âme, notion purement philosophique ou spirituelle, pour que vous puissiez enregistrer avec le temps la notion mécanique de l'esprit de l'âme. Mécanique pas dans un sens qu'on connaît, mais mécanique dans le sens de l'organisation extrêmement minutieuse de la tombe. C'est un champ de force. C'est pour ça que je dis que l'homme, c'est pas nous autres. L'homme, c'est autre chose. Et que l'homme n'a pas de conscience subjective. Que être humain n'implique pas une conscience subjective. Être humain n'implique que le pouvoir vibratoire de l'esprit, autrement dit le pouvoir vibratoire du cerveau éthérique, autrement dit le perfectionnement atomique de cette énergie-là, organisée dans une forme qui convient au corps matériel pour lui donner un support de vie. Il faut que l'homme se dissocie de la notion de lui-même pour enregistrer dans son cerveau éthérique la notion d'une autre réalité de ce qu'on appelle l'homme, pour pouvoir de plus en plus, ça c'est important, pour pouvoir de plus en plus au niveau de son expérience matérielle, enregistrer dans son cerveau matériel le plus possible d'énergie éthérique. Ce qui crée de plus en plus et qui développe et qui perfectionne de plus en plus son cerveau éthérique. C'est un mouvement à deux faces. Vous recevez de l'éther, vous renvoyez l'éther. Vous recevez de l'éther, vous renvoyez l'éther. Si vous recevez trop de l'astral, vous coupez ce que vous recevez de l'éther. Vous coupez de votre esprit, vous ne construisez pas votre cerveau éthérique. La relation entre l'homme matériel, au niveau du cerveau matériel et le cerveau éthérique, est dépendant de la capacité à l'homme de se couper des notions astrales. À ce moment-là, l'homme commence à subir une pression dans son cerveau matériel, la tête. On dirait qu'on a une calotte sur la tête. Ça construit le cerveau éthérique. Construisant le cerveau éthérique, ça pousse encore plus d'informations vers le cerveau physique. Ça développe les neurones. Les neurones s'activent. Elles irradient les neurones. En irradiant les neurones, elles donnent expansion, elles perfectionnent le cerveau éthérique. Back and forth, c'est un mouvement back and forth. Mais aussitôt que l'homme vit de notions, il coupe ce mouvement-là et il est sur la coupe de l'involution au lieu d'être sur la coupe de l'évolution. L'esprit de l'homme, c'est une condition de l'activité de la lumière dans un champ de force qu'on appelle l'éthérique ou le corps éthérique. Le corps éthérique est le champ de force qui permet à l'esprit de l'homme de se servir de la lumière pour créer dans les terres ou sur la terre des formes nouvelles. De sorte qu'il y a un lien très étroit entre l'esprit de l'homme et le cerveau éthérique. De sorte que le lien entre le cerveau éthérique et l'esprit de l'homme doit devenir de plus en plus grand. Et plus le cerveau éthérique de l'homme grandit, se forme, se perfectionne, plus l'esprit de l'homme perd conscience de lui-même et plus l'homme réel prend conscience de lui-même. Et quand l'esprit de l'homme perd conscience de lui-même, ça veut dire que la psychologie de l'homme disparaît, que la partie inférieure de l'activité de l'esprit disparaît, pour que se manifeste simplement la partie supérieure de cet esprit-là, c'est-à-dire cette partie qui est centré ici et qui fait partie de l'activité du cerveau éthérique chez l'homme. L'homme n'a pas besoin de point de référence pour comprendre quoi que ce soit. L'homme est référence. C'est pour ça qu'au cours des années qui viennent, vous devez vous habituer petit à petit à ne jamais avoir besoin de confirmer quoi que ce soit avec personne. Parce que si vous confirmez quoi que ce soit, ou si vous avez moindrement une tension pour confirmer quoi que ce soit, c'est parce que votre cerveau éthérique n'est pas suffisamment formé et nécessite que vous vous ajustiez au niveau émotif et mental. Quand vous n'aurez plus besoin de confirmer quoi que ce soit vis-à-vis de personne, c'est que votre cerveau éthérique sera suffisamment construit pour que vous puissiez supporter l'activité de ce cerveau éthérique-là qui devient la manifestation sur votre cerveau physique de ce que vous appelez votre esprit. Et un jour, vous verrez, vous conviendrez un jour que l'homme, que ce qu'on appelle l'évolution, c'est ce stage où l'esprit prend forme. Quand l'esprit prend forme, quand l'esprit se forme, il y a création d'un corps qu'on appelle le corps éthérique. Et un jour, le corps éthérique est suffisamment développé, suffisamment perfectionné pour que l'esprit soit ceci. Et avec les âges, les épaules éthériques se formeront, les bras, les mains, les pieds, les genoux, tout se formeront. Et la première partie qui doit se former, c'est le cerveau éthérique. Et on est à ce stage-là aujourd'hui. Quand le corps éthérique de l'homme sera tout formé, le corps physique n'existera plus sur la Terre. L'homme n'aura plus besoin de corps physique. Mais en attendant, et ce qui formera le cerveau éthérique de l'homme de la sixième race, c'est sa capacité sur le plan matériel de ne plus vivre et d'être capable de voir à travers et de neutraliser l'effet émotif et mental des notions. Et c'est pour ça que pour les gens, c'est extrêmement important de réaliser qu'est-ce que je veux dire par les notions, puis d'en arriver à sortir des notions et pour commencer à subir le combat entre l'astral et le cerveau éthérique. C'est cette partie-là que je veux parler. Vous allez réaliser dans votre expérience, parce qu'il y a bien des gens qui me demandent comment est-ce qu'on neutralise ça, l'astral. Vous allez réaliser dans votre expérience que l'astral vous bombarde, puis vous bombarde, puis vous bombarde, puis vous bombarde. Et lorsque l'astral vous bombarde et que vous prenez conscience au niveau de votre cerveau éthérique, vous en arrivez à un point éventuellement à être tellement conscient de l'activité astrale en vous qu'au fur et à mesure que vous prenez conscience de cette activité-là, vous la transmutez et ça sert à la construction de votre cerveau éthérique. De sorte que c'est normal que pendant des années, vous soyez poussé, bombardé par l'astral, parce que l'astral doit être transmuté pour que se construise le cerveau éthérique. Puis moi, je vais vous dire une chose, ça fait 13 ans que je vis la fusion, puis quand je suis chez nous, puis je peinture, ben non, je plante des clous, ben non, je travaille, là ça m'aide. Je reçois toutes sortes de communications. Toutes sortes de communications. Mais mon cerveau éthérique est suffisamment construit pour que ces communications-là, ce mouvement d'énergie-là, dans mon mental, ne m'affecte pas. De sorte que je ne subis aucunement la notion de l'information, je prends simplement la forme de l'information et je la détruis, la forme, en étant neutre à la forme, et l'énergie de cette forme va à la construction de mon cerveau éthérique. Mais les gens aujourd'hui sont encore dans l'état embryonnaire du cerveau éthérique. Et comme ils sont dans l'état encore embryonnaire du cerveau éthérique, ils ont l'impression que leur conscience, leur activité cérébrale est totalement astrale. Et ça, c'est une notion qui est véritable seulement dans le sens que l'astral, c'est l'activité de certaines intelligences sur des plans qui servent à votre évolution vers l'éther. L'astral, ce n'est pas simplement de l'activité sur d'autres plans qui cherche à vous brouiller l'esprit. C'est une activité sur les autres plans qui sert à la transmutation et qui sert à la construction de votre cerveau éthérique. Parce que, bien qu'il y ait des intelligences sur les autres plans qui retardent l'évolution de l'homme inconscient, ces intelligences, malgré eux-mêmes, aident à l'évolution de l'homme qui se conscientise. Autrement dit, la conscientisation de l'homme sur la Terre proviendra de la transmutation de l'activité astrale dans l'homme, de sorte que tout ce qui est astral en vous est très important pour la construction de votre cerveau éthérique. De sorte que vous apprendrez avec le temps que toutes les niaiseries qui se passent dans votre cerveau sont dangereuses, même quand vous ne savez pas que c'est des niaiseries, mais quand vous savez que c'est des niaiseries, sont très bonnes. De sorte que toutes les niaiseries dans vos cerveaux sont bonnes et servent à la construction de votre cerveau éthérique du moment que vous êtes conscient que ce sont des niaiseries et que vous ne perdez pas conscience que ce sont des niaiseries. Aussitôt que vous perdez conscience que ce sont des niaiseries, vous entrez dans la conscience astrale de ces niaiseries-là et vous entretenez les formes avec votre mental inférieur, autrement dit, une partie de votre cerveau éthérique qui est très, très peu développée. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'un jour, vous comprendrez qu'aussitôt qu'un homme a un cerveau éthérique, même s'il n'est pas parfaitement développé, cet homme se sert automatiquement et vit automatiquement de l'activité astrale. Si vous avez moindrement un cerveau éthérique développé, l'astral est là, inévitablement, mais il peut servir à développer votre cerveau éthérique si vous êtes conscient de la nullité, de la niaiserie de l'illusion de la forme. Autrement dit, la forme astrale en vous autres est très importante et vous devez vous en servir à bon escient, c'est-à-dire vous habituer petit à petit au cours des années à pouvoir la supporter sans souffrir et à pouvoir la supporter sur le plan mental sans vous y attacher. C'est ça qui va construire votre cerveau éthérique, qui va vous donner une très grande résistance mentale. La résistance mentale étant le plus grand approportionnement en vous d'énergie qui sert à la construction de l'activité du cerveau éthérique. Autrement dit, tout ce qui se passe en vous, c'est bon du moment que vous savez que c'est pas bon. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est une clé bien importante. Fait que moi, quand je suis dans l'échelle à la maison, je t'apprends à peinturer et m'envoie des niaiseries. Je lui dis, qu'est-ce que c'est ça, ces niaiseries-là? Puis ça me répond tout le temps, ça te fait développer de la résistance. Et l'homme vivra pendant une certaine période de temps le développement du cerveau éthérique. Parce que le cerveau éthérique de l'homme, c'est le siège de son esprit. Pour le moment. Pendant la sixième race, en tout cas. C'est très dangereux, les notions. Parce que les notions sont toutes fausses. Et la raison pour laquelle les notions sont toutes fausses, c'est parce que ça fait partie des lois de la notion d'être faux. Une notion ne peut pas être véritable. Ça fait partie des lois des notions d'être faux. Une notion véritable, ça n'existe pas. Ça n'existe pas une notion véritable. Parce que pour avoir une notion, il faut la penser. Puis pour la penser, il faut qu'elle vienne de l'astral. Donc une notion véritable, ça n'existe pas. Alors toutes les notions sont fausses. Mais toutes les notions servent à l'évolution. Une fois qu'on sait qu'elles sont fausses. Mais si on ne sait pas qu'elles sont fausses, à ce moment-là, on les prend sérieusement, les notions. Et à ce moment-là, ben, on vit en fonction d'un échappatoire psychologique qui nous amène éventuellement à voir rechercher la bonne voie. Cherchez pas de bonne voie. Il n'y en a pas de voie. J'ai déjà dit que toutes les voies mènent à Rome, puis à Rome, il y a un chemin. Tout le monde dit, mais toutes les voies mènent à Rome. Eh oui, toutes les voies mènent à Rome. Quand on dit à Rome, tu vois qu'il y a un chemin. Les gens ils pensent que rendu à Rome, c'est fini. Pas, hein? Quand tu arrives à Rome, c'est le début. La fin. Rome, c'est la fin d'évolution. Vous savez, moi, ce que je vous dis, je vous le dis parce que c'est bon que vous sachiez. Mais c'est à vous autres de le comprendre. Moi, je peine que vous le dire. Mais c'est à vous autres de le comprendre. Puis la meilleure façon pour vous autres de le comprendre, c'est de ne pas essayer de le comprendre, parce que vous allez développer des notions. Parce que ce que je vous dis, ça se pense pas, ça. J'ai jamais pensé à ça, moi, ce que je vous dis. J'ai jamais pensé à ça, ce que je vous dis. Fait que comme j'ai jamais pensé à ça, ce que je vous dis, c'est pas enregistré dans l'astral, ce que je vous dis. Fait que comme vous fonctionnez encore au niveau astral, puis si c'est pas enregistré dans l'astral, vous n'aurez pas de matériel. Vous n'aurez pas de matériel astral pour le juger. Fait qu'automatiquement, vous allez avoir des tensions. Fait que ce que je vous dis, c'est toujours neuf quand je vous dis quelque chose. J'ai jamais pensé, puis je l'ai jamais su. Bien, monsieur. Je le sais là. Parce que je vous le dis là. Je l'ai jamais su. Je ne savais pas avant. Fait qu'on est tous dans le même bateau. On est tous des niaiseux qui deviennent de plus en plus conscients de la profondeur de l'esprit. Je suis aussi niaiseux que vous autres. Seulement, je connais plus les lois de la niaiserie que vous autres. Fait que je suis moins niaiseux que vous autres. La seule différence. Fait que si vous réalisez que j'ai jamais pensé à ce que je vous dis, fait qu'automatiquement, ça nous met, vous autres et moi, dans une même situation d'évolution, c'est-à-dire que ça nous met dans une condition de développement de notre cerveau éthérique. C'est la gang. À une échelle plus ou moins avancée. Et l'homme doit éventuellement vivre de ce cerveau-là, non pas de son cerveau matériel. Le cerveau matériel doit devenir simplement un support pour ce troisième cerveau-là. Si l'homme vit d'un cerveau matériel, il va être obligé de se servir de sa mémoire. Parce que le cerveau matériel, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait une mémoire de réserve. Et les illusions de l'astral vont loin, parce que les illusions de l'astral vont faire en sorte que, même quand vous serez bien avancé dans le développement de votre cerveau éthérique, vous vous apercevrez que vous vous servirez de mots et de concepts qui font partie déjà de votre mémoire. Des fois, vous allez dire, ah, mais peut-être c'est parce que j'ai lu ça quelque part ou j'ai entendu ça quelque part. Le pouvoir de l'astral sur l'homme est total. C'est seulement dans certains moments, dans certaines discussions, dans certaines périodes de langage, de parlage, que vous direz des choses que vous avez jamais lues, que vous avez jamais entendues, que vous avez jamais su au niveau de votre cerveau matériel. Là, à ce moment-là, ça vous fera un petit froissement dedans. On n'est pas facilement amené à construire un cerveau éthérique. Et c'est l'homme qui l'a construit, son cerveau éthérique. Et la condition fondamentale de la construction du cerveau éthérique, c'est la destruction, la capacité chez l'homme de détruire toute notion dans son cerveau. Les notions sont liées à votre cerveau qui est lié à votre mémoire. si vous gardez les notions vivantes dans votre mémoire, vous vivrez de ces notions-là et vous ne pourrez pas comprendre ce que vous savez. Vous ne pourrez pas exercer le droit à l'intelligence. Vous ne pourrez pas manifester le droit, le pouvoir de l'intelligence. Vous serez incapable d'assujettir la notion de tout ce qui peut venir de l'astral et conquérir l'infinité de votre propre connaissance. Vous serez jamais vous-même totalement. C'est pour ça que je dis, l'homme, c'est réellement un être mystérieux. C'est un mystère vivant, l'homme. C'est un mystère qui s'extrapole constamment, constamment, constamment, constamment et constamment. Un homme ne peut pas être conscient et ne pas réaliser qu'il est constamment en évolution d'intelligence. C'est impossible à un homme de penser qu'il est intelligent là, puis c'est final. Impossible. L'intelligence est un phénomène moronciel. C'est pas un phénomène humain. C'est un phénomène moronciel. Et l'humain est le support matériel, cérébral de ce phénomène-là. C'est pour ça qu'il faut que vous preniez conscience de l'importance d'en arriver à ne pas avoir à confirmer quand vous parlez. Vous parlez, final. Tu parles, tu dis quelque chose, final. Reste avec le poids de ce que tu dis. Avec le temps, ça sera perfectionné, perfectionné. Tu verras plus loin dans ce que tu dis. Mais apprenez à ne pas avoir besoin de confirmer ce que vous dites, de se confirmer ce que vous savez dans votre tête. L'homme doit en arriver un jour à avoir aucune béquille, aucune béquille. Ça veut dire avoir besoin de personne pour être sûr de ce qu'il est, c'est-à-dire conscient, c'est-à-dire dans l'intelligence, c'est-à-dire dans son esprit, c'est-à-dire avoir un cerveau éthérique perfectionné. Sinon, vous serez prisonnier à un niveau quelconque de l'astral. Et l'astral, c'est très puissant. N'oubliez pas que l'astral, c'est de la mémoire. Fait que si vous considérez l'évolution de l'homme depuis des siècles et des siècles et toutes les pensées de l'homme, imaginez-vous que l'astral, c'est tout ça accumulé. C'est très vaste, l'astral. C'est un système totalement fermé qui est tellement perfectionné que l'homme a une conscience absolue de cette réalité-là sans en avoir pris conscience lui-même. De sorte que sa conscience personnelle est totalement assujettie à cette réalité-là, qui est simplement un jeu de force, mais qui n'est pas le pouvoir de l'esprit dans l'homme. Il y a quelqu'un qui me demandait, il disait, bon, mais mes intuitions, là, qu'est-ce que tu penses de mes intuitions? J'ai dit, tes intuitions peuvent être très bonnes, peuvent être très justes, ou peuvent être conditionnelles. Ce qui est important, c'est que tu prennes conscience de tes intuitions. Avec le temps, tu verras qu'est-ce qu'ils veulent dire. De sorte que toutes vos intuitions sont bonnes, mais vous les interprétez, vos intuitions, fait qu'ils deviennent plus bonnes. Vous n'avez pas encore l'intelligence de vos intuitions. Si vous aviez l'intelligence de vos intuitions, vous n'auriez plus d'intuition, vous n'auriez rien que de l'intelligence. En attendant, vous avez l'intelligence de vos intuitions, vous les interprétez, vous faites des erreurs. Vos intuitions viennent de votre conscience éthérique, viennent de votre cerveau éthérique. Mais elles sont colorées par l'astral en vous. Du moment que vous ne prenez pas vos intuitions sérieusement, mais que vous les preniez avec sérieux, Si vous les prenez sérieusement, vous allez faire des gaffes. Si vous les prenez avec sérieux, vous allez mettre du poids dans l'intelligence de vos intuitions. Vous allez prendre un certain temps pour les comprendre plus profondément, vos intuitions. Donc, avec le temps, vous verrez bien que la forme qu'elle prenait, l'intuition, c'est une forme temporaire pour vous cacher l'événement qu'elle sous-tendait, cette intuition-là. Votre esprit ne peut pas et ne vous rendra pas la vie sur le plan matériel parfaitement à la hauteur de ce que lui la connaît. Jamais. Sans ça, vous seriez dans le pouvoir de l'esprit. Mais l'esprit peut vous véhiculer de l'information à travers une forme astrale, en se servant d'une forme astrale. Et souvent, l'esprit le fait dans le rêve, ça. L'esprit est régi par des lois qui conviennent à sa perfection. Plus votre esprit est parfait, plus il est régi par des lois qui conviennent à sa perfection. Et ces lois-là sont totalement proportionnelles à l'organisation atomique de votre cerveau éthérique. Ce qui détermine la perfection de votre esprit, de votre intelligence, de l'organisation matérielle de votre cerveau éthérique, plus votre cerveau éthérique est parfaitement organisé, plus votre esprit est grand, puissant, précis, ainsi de suite. Mais ça, c'est parce que plus votre astral est ajusté. C'est tellement... L'homme, c'est un être tellement organisé atomiquement que l'homme, pas sur la Terre, mais dans d'autres conditions d'évolution dans la galaxie, l'homme est un être qui peut être organisé, programmé, projeté par des cerveaux électroniques. On construit des hommes de toutes pièces. Les forces peuvent organiser matériellement, atomiquement un homme. Ils peuvent créer des hommes qui deviennent des robots, mais très intelligents, qui fonctionnent au bout. Alors, la notion qu'on a de l'homme, c'est une notion qui est très, très puérile, qui est très enfantine et qui est très près de la conception qu'on a de nous-mêmes. La conception qu'on a de nous-mêmes étant une conception déjà préparée et programmée sur notre cerveau par l'astral. C'est pour ça que l'homme doit se dissocier complètement de l'astral pour entrer dans son esprit, pour pouvoir se servir de son cerveau éthérique, pour pouvoir transmuter la matière. L'homme doit transmuter un jour la matière pour être libre des forces qui conditionnent sa forme matérielle afin d'élever sa forme matérielle à un autre état de conscientisation et d'activité, de civilisation. J'insiste beaucoup dernièrement sur le fait de la notion. La notion, c'est du poison à rat. Vous donner une idée du caractère nocif de la notion, vous expliquer le phénomène de la mort un petit peu. Quand on meurt, quand l'homme meurt, c'est pas l'homme qui meurt. Quand on meurt, c'est la notion de la vie qui retourne en mémoire. Les gens pensent qu'ils meurent, corps physique s'en va dans la terre, papapapa. On a une notion qu'on meurt. On meurt pas. C'est que la notion qu'on a de la vie retourne en mémoire sur un autre plan. C'est ça qu'on appelle la mort. Au lieu que on puisse continuer dans une autre dimension sans avoir à subir la perte de notre conscience, qui est l'immortalité. Alors, quand l'homme meurt, la notion de la vie, qui est la mémoire astrale, retourne sur le plan astral parce qu'il y a une séparation des corps. Et ça, ça reste là. Et comme c'est vivant, ça, parce que toute énergie est vivante, ça recommunique avec l'homme sur le plan matériel. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a dans l'astral des entités évoluées ou... Oui. C'est pas dans le fond qu'il y a des entités, c'est qu'il y a de la mémoire personnifiée. C'est difficile pour nous autres de développer des notions qui sont en dehors de l'espace-temps, de délier avec des réalités qui sont en dehors de l'espace-temps. Pourquoi? Parce que les seules notions qu'on a, nous autres, sont des notions qui doivent convenir à l'espace-temps et non des notions qui conviennent aux autres plans. Parce que si on avait les notions dans notre cerveau qui conviennent aux autres plans, on verrait le jeu de suite. Fait qu'on a une des notions qui conviennent au plan matériel, qui sont mises dans notre cerveau à cause de la connexion entre ces mémoires personnifiées-là et nous autres-mêmes. Fait que le cercle est fermé. L'homme est prisonnier complètement de la réalité, prisonnier complètement de son esprit et n'a aucun pouvoir d'intelligence parce que son cerveau éthérique n'est pas assez développé, parce que toute l'énergie va à la construction et au développement de cette mémoire au lieu d'aller vers la construction du cerveau éthérique. Ne demandez-vous pas pourquoi est-ce qu'on est comme ça. Le concept des notions, la traduction dans un langage précis du phénomène de la notion sera certainement, éventuellement, la clé fondamentale de la psychologie de la conscience supramentale. Jusqu'où on peut aller dans l'extrapolation ou l'exploitation ou l'explication du phénomène de la notion, je ne sais pas. Il faut le parler. Mais la notion, c'est certainement le concept de la notion, éventrer la notion. Le phénomène d'éventrer la notion, c'est certainement un phénomène qui peut aller très très loin dans le temps parce que toutes les notions doivent être éventuellement vues du point de vue du cerveau éthérique et non du point de vue du cerveau humain parce que le cerveau humain enregistre la mémoire. Fait que tout ce qu'on enregistre au niveau du cerveau humain, ça ne sert pas parce que c'est de la notion qui vient de l'astral. Fait qu'on est obligé d'avoir un cerveau éthérique pour détruire la notion qui s'imprime dans le cerveau éthérique qui provient de l'astral. Alors, plus le cerveau éthérique est développé, plus on détruit les notions, plus le cerveau éthérique est développé, plus on les délivre de l'astral, et éventuellement, le cerveau éthérique est tellement développé qu'il commande à la matière et qu'on passe dans l'éthérique. C'est quand même ça marche. On va jouer des yeux qui tombent. Bon. On va vous donner un break. Et là où les notions vont s'imprimer dans votre cerveau, c'est quand vous pensez. Fait que quand vous pensez, il faut que vous soyez conscient que vous pensez et que vous réalisez que ce que vous pensez, c'est une notion. Aussitôt que tu penses, il faut que tu réalises que c'est une notion. Que ça n'a aucune signification en soi-même. Que c'est simplement un jeu de l'astral sur votre cerveau pour la construction de votre cerveau éthérique. Autrement dit, je vais en arriver à dire ceci. Je vais en arriver à dire que tout ce qui se passe, aussitôt que vous avez de l'activité mentale dans votre cerveau, c'est une activité qui ne vient pas de votre esprit. Quand vous aurez de l'activité qui vient de votre esprit, votre mental sera vide. Ce qui m'amène à aller plus loin, ce qui m'amène à vous dire que aussitôt que vous entendez quelqu'un vous parler dans votre tête, même si c'est l'ajusteur de pensée, ou même si vous pensez que c'est l'ajusteur de pensée, c'est l'activité de l'énergie derrière une forme qui est liée à l'astral. Ce qui m'amène à dire que tant que vous allez être sur le plan matériel, à certains moments, selon l'équilibre de votre vie, à certains moments, vous serez bombardé par l'astral. Même si vous êtes très, très évolué. Seulement rendu à ce point-là, vous ne serez plus affecté par l'astral parce que les notions ne pourront plus coller à votre cerveau parce que votre cerveau éthérique sera trop actif. Autrement dit, votre conscience sera trop grande. Plus votre cerveau éthérique est actif, plus votre conscience est grande. Et quand vous aurez ce qu'on appelle des communications avec l'ajusteur de pensée, là, ça sera des communications entre vous, autrement dit, entre votre cerveau éthérique et des intelligences qui font partie des mondes de l'intelligence. Alors, la communication entre vous et l'ajusteur de pensée est toujours proportionnelle au développement de votre cerveau éthérique. Il ne peut pas y avoir de rien de déplaisant entre la communication de ce qu'on appelle les intelligences dans le monde des intelligences et votre cerveau éthérique. Mais il y a une affaire que je veux péter. Là, j'ai bien de misère à le faire sauter. Moi, le concept des ajusteurs de pensée, j'aime pas ça. Je m'en sers parce que ça me sert. Mais j'aime pas ça, ça me fatigue. Je vais le faire sauter un jour. Ça me tracasse bien gros, ça. Ça fait à peu près 2 mois là, que ça me tracasse. Je vais le faire sauter un jour. Mais pour que je le fasse sauter, il faut que je subisse moi-même des changements vibratoires. Je ne sais pas si c'est bien. Mais quand je vais subir ces changements vibratoires-là, ensuite je vais le faire sauter. Il faut que mon propre cerveau se développe pour que je le fasse sauter. Quand il va être développé, mon cerveau, là je vais le faire sauter. Sans rien. Moi, je dis que l'ajusteur de pensée ne parle jamais. L'ajusteur de pensée, c'est de l'énergie qui aboutit dans le cerveau éthérique. L'ajusteur de pensée, c'est de l'énergie utilisée par le cerveau éthérique. Tant que le cerveau éthérique n'est pas suffisamment développé, il n'est pas capable de l'utiliser, cette énergie-là. C'est ça de, ce qu'on appelle de un ajusteur de pensée. Dans le fond, celui qui ajuste les pensées, c'est le cerveau éthérique lui-même. Comprends-tu? Mais je ne peux pas dire que le cerveau éthérique, c'est l'ajusteur de pensée, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent après ça. Alors, il y a un point bien, bien délicat, là. Il y a un point bien délicat. Le cerveau éthérique, plus il se perfectionne, plus il absorbe une certaine vibration. Plus il absorbe une certaine vibration, plus il peut manifester de l'intelligence. Plus il manifeste de l'intelligence, plus l'homme, sur le plan humain, à cause de son cerveau physique, a l'impression d'une communication qu'on appelle l'ajusteur de pensée. Mais cette communication qu'on appelle l'ajusteur de pensée est véritablement l'activité de notre cerveau éthérique qui utilise l'énergie cosmique, qui la différencie, qui la prend de l'indifférencié et qui la différencie. Ça marche, ça. Oui, mais je Ouais, mais je peux pas dire encore si c'est ça ce que tu dis ou si c'est pas ça. Parce que pour que je le dise ça, faut que moi-même je subisse des changements vibratoires au niveau de mon propre cerveau éthérique. C'est ça que je vais faire bien vite. Ça s'en vient, c'est pas le temps, gros, mais ça s'en vient.